Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Lévis. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Lévis pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Lévis, un médecin en quelques minutes. Au début de son livre « L'air et les songes » publié en 1943, Gaston Bachelard, qui a déjà réfléchi sur le feu et sur l'eau, précise qu'il sait bien que ce troisième élément, l'air, est particulièrement difficile à saisir pour le philosophe. « Nous sommes conscients des difficultés de notre sujet », écrit-il. Bien souvent, nous nous sommes même demandé si nous tenions un sujet. Est-ce un sujet que l'étude des images fuyantes? Le mot « elle », le mot « nuage » sont tout de suite des preuves de cette ambivalence du réel et de l'imaginaire. Alors ce que nous demandons au lecteur, et aujourd'hui à l'auditeur, c'est de vivre ces états alternés et de les réunir dans une ambivalence où l'on comprend que la réalité est une puissance de rêve et que le rêve est une réalité. Mais la multiplicité des images de l'air est si grande que ces images donnent des symboles psychologiques très différents. Ainsi, l'air bleu, l'air tranquille, nous conseille le calme et nous donne les grandes images du calme et de la légèreté. Les êtres de l'air, les oiseaux, les arbres, nous sont autant d'images de la grandeur et de la légèreté. Le mouvement de vol de l'oiseau donne tout de suite, en une abstraction foudroyante, une image dynamique parfaite, achevée, totale. La raison de cette rapidité et de cette perfection, c'est que l'image est dynamiquement belle. Si les oiseaux sont l'occasion d'un grand essor de notre imagination, ce n'est pas à cause de leurs brillantes couleurs. Ce qui est beau chez l'oiseau, primitivement, c'est le vol. Pour l'imagination dynamique, le vol est une beauté première. On ne voit la beauté du plumage que lorsque l'oiseau se pose à terre, lorsqu'il n'est plus, pour la rêverie, un oiseau. On peut affirmer qu'il y a une dialectique imaginaire qui sépare vol et couleur, mouvement et parure. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être à la fois alouette et paon. Le paon est éminemment terrestre. C'est un musée minéral. Dans le règne de l'imagination, le vol doit créer sa propre couleur. L'oiseau imaginaire, l'oiseau qui vole dans nos rêves et dans les poèmes sincères, ne saurait être de couleur bariolée. Le plus souvent, il est bleu ou il est noir. Il monte ou il descend. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Et oui, de l'alouette au merle. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Bachelard cette semaine et ce matin, L'air et les songes, son livre publié en 1943, en compagnie de la philosophe Marie-Pierre Lassus. Bonjour Marie-Pierre Lassus. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Oui. Vous êtes musicologue, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Gaston Bachelard, musicien, une philosophie des silences et des timbres. C'était aux éditions Presse universitaire du Septentrion. Et c'est avec vous ce matin que nous allons prendre l'air, mais partons de ce paradoxe quand même. Vous êtes chez vous, je suis en studio. Personne ne peut sortir de chez lui plus d'une heure. Et comment fait-on pour prendre l'air tout en restant chez soi? Voilà, c'est en effet le défi. Et Gaston Bachelard va nous l'expliquer dans ce livre et dans d'autres, mais particulièrement dans L'air et les songes, où il nous explique qu'il n'est pas besoin de sortir pour respirer, puisqu'on peut le faire en restant chez soi, tout simplement en lisant de la poésie. Et non seulement en lisant de la poésie, mais même en la disant à haute voix. Voilà, parce que la poésie, nous dit-il, est une joie du souffle, une création du bonheur de respirer. Mais ça veut dire que l'air n'est pour lui que métaphorique, parce qu'il y a quand même des analyses très, très concrètes de l'air comme élément, au même titre qu'il y avait des analyses du feu et de l'eau dans ses ouvrages précédents. Alors, ce n'est pas que métaphorique, bien sûr. L'air est une nécessité vitale, absolument. C'est une nécessité vitale et il accorde une grande place justement à la respiration. Et il parle justement d'une poésie respirée. Il dit qu'il y a une différence entre une poésie respirée et une poésie écoutée. Ça n'est pas la même chose. Donc il va donner des exemples dans ce livre de poésie respirée, de poésie écoutée. Alors avant qu'on en vienne à la poésie justement comme étant le souffle poétique comme étant essentiel dans notre rapport au monde, essayons de préciser ce que Bachelard trouve d'intéressant au fond dans ces éléments-là, parce qu'on n'en a pas encore parlé cette semaine. Il dit finalement les quatre éléments, ce sont les hormones de l'imagination. Pourquoi cet intérêt pour les éléments en général et pourquoi l'air en particulier, Marie-Pierre Lassus? Alors, pour les éléments, parce qu'ils pensent que ce sont des unités d'imagination. Ils font unité. Il y a, dit-il, des poètes de l'air, des poètes de la terre, des poètes du feu, qui appartiennent, dit-il, c'est leur fantôme, le fantôme de leur imagination. Et cela crée une unité dans leur œuvre. On peut, disons, lire, par exemple, Paul Valéry sous le signe de l'air, par exemple. Et il tente de montrer dans ce livre spécial, justement, lui qui a tellement réfléchi sur la relation entre l'imagination et la matière, il veut montrer la suprématie de l'imagination dynamique sur l'imagination des formes. Il dit que, justement, dans ce livre, que le mouvement prime sur la substance. C'est ce qu'il essaye d'expliquer tout au long de ce livre. Et comment l'image de l'oiseau qui a ouvert cette émission peut nous aider à comprendre cela? Il le dit bien, le vol de l'oiseau, c'est l'image est dynamiquement belle. C'est ça en fait, les oiseaux sont à l'image justement de notre imagination qui est sans cesse en mouvement? Oui, il dit d'ailleurs très, très explicitement, il y a du vol en nous. C'est-à-dire que pour vraiment sentir le vol de l'oiseau, il faut le mimer intérieurement. Et il n'y a pas que pour le vol de l'oiseau, d'ailleurs pour la poésie aussi, puisqu'il est tout à fait d'accord avec cette idée de Shelley que la poésie est un art mimique. Mais comment fait-on? Il faut simplement mimer intérieurement. Par exemple, je vous donne un exemple très, très simple, un peintre qui va dessiner, il le dit pas de cette manière, mais au fond, un peintre peut dessiner un oiseau. Mais s'il vit le mouvement en lui, il va le dessiner tout à fait autrement, avec une énergie, une vitalité qui n'apparaîtra pas sur le dessin seul de l'oiseau. Le problème quand même, c'est que ces images, le vol de l'oiseau, le mouvement, etc., sont des images qui, par définition, puisqu'elles représentent l'air, l'imaginaire de l'air nous échappe. Comment on fait pour saisir ces images au vol, sans mauvais jeu de mots? Mais il faut observer, c'est ça. Regarder cette dynamique de la réalité. La réalité a une vertu dynamique. Et tout le procédé consiste à justement mimer intérieurement cette dynamique en correspondance avec la réalité. Et c'est ce que vous avez appelé la respiration. Reprenons peut-être à partir de là cette importance de la respiration point de départ. Voilà, la respiration est pour lui, tout comme quand on prend l'air, on produit l'énergie nécessaire à la vie, qui est sans cesse recommencée en fait en nous, et bien la respiration est l'expression de la vie. en réalité. Et il va nous donner des exemples à travers les poèmes et à travers notamment un exemple qu'il donne dans vers la fin de L'air et les songes, qui est l'ensemble « vie-âme », qui est un vocable emblématique de cette poésie respirée dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il dit que le mot « âme », notamment le mot « âme », mais accouplé au mot « vie », est l'expression de la respiration, mime la respiration. Il dit que le mot « âme », c'est un des rares mots qui achève une expiration. Et il nous dit son nom. Il nous dit son nom en réalité, ce que confirme d'ailleurs Charles Nodier, qui explique que les différents noms de l'âme dans de nombreux peuples sont des modifications du souffle et de la respiration. Donc quand on dit âme sur le souffle, hein, pas en le disant tout haut, mais en le respirant, eh bien on a ce mouvement d'expiration qui est complété par le mot vie, qui est le mouvement d'inspiration. Et donc, dans ces mouvements, il voit vraiment deux vocables emblématiques de la poésie respirée et de la respiration en général. Et il nous conseille de faire cet exercice, il dit, une journée rythmée par la respiration vie-âme, vie-âme, il répète, sera une journée de l'univers. C'est-à-dire que c'est quasiment un exercice de yoga. Bah oui, c'est ça, c'est un prof de yoga, là, quand il dit ça. Carrément, mais oui, parce qu'il en parle d'ailleurs dans la dialectique de la durée, il parle du yoga, hein, il parle de la philosophie indienne qu'il connaît à travers Romain Rolland, et il dit que justement, il faut apprendre à respirer rythmiquement en concentrant l'esprit sur le centre, et pour que tout le corps devienne rythmique, dit-il. Donc ça, c'est carrément un exercice de yoga qu'il conseille de faire, en effet. Et qu'il mettait en pratique lui-même ? Alors, ce qu'il mettait en pratique, je ne sais pas s'il le mettait en pratique. En revanche, on voit bien, il le dit vraiment et très explicitement, notamment dans Le droit de rêver, que, par exemple, le matin, il se met à regarder par exemple, un sculpteur comme Eduardo Chillida, ou bien Albert Flocon, le graveur Albert Flocon, ou bien un tableau de Chagall, et il dit « Quel conseil de force, quel appel à l'énergie matinale. Je me réveille mieux le matin, je suis tout de suite plus vif quand je regarde donc une gravure ou une sculpture, ou même quand je lis un poème. » Il disait qu'il lisait les poètes tous les matins. Et notamment, il avait tout un ensemble de poètes favoris, et notamment William Blake qui dit « L'énergie est la seule vie et elle vient du corps ». Et c'est vraiment, chez Bachelard, cette esthétique de l'énergie qui est très importante dans sa vision de l'art et des poèmes. Cette esthétique de l'énergie, l'expression vient d'ailleurs de du Lautréamont, ce livre qu'il écrit très tôt et qui est un livre merveilleux qui va donner beaucoup de sens justement au reste. Et à mon avis, il y a vraiment une relation entre L'air et les songes et ce livre dans lequel il parle de l'esthétique de l'énergie. Et si nous remettons à sa vraie place l'instinct poétique si caractéristique de la nature humaine, si nous mettons la poésie au centre même des valeurs anthropologiques, nous allons voir que l'élément aérien est indispensable pour comprendre la participation enthousiaste du poète à la vie du cosmos. Sous sa forme simple, naturelle, primitive, loin de toute ambition esthétique et de toute métaphysique, la poésie est une joie du souffle, l'évident bonheur de respirer. Le souffle poétique, avant d'être une métaphore, est une réalité qu'on pourrait trouver dans la vie du poème si l'on voulait suivre les leçons de l'imagination matérielle aérienne. Et si l'on donnait plus d'attention à l'exubérance poétique, à toutes les formes du bonheur de parler, doucement, rapidement, en criant, en murmurant, en psalmodiant, on découvrirait une incroyable pluralité des souffles poétiques. Aussi bien dans la force que dans la douceur, aussi bien dans la colère poétique que dans la tendresse poétique, on verrait en action une économie dirigée des souffles, une administration heureuse de l'air parlant. Telles sont du moins les poésies qui respirent bien, telles sont du moins les poèmes qui sont les beaux schèmes dynamiques de la respiration. Cette invitation au voyage aérien, c'est Bachelard qui vous la propose ce matin sur les chemins de la philosophie, sur France Culture. L'évident bonheur de respirer, écrit Bachelard Marie-Pierre Lassus. Il y a quelque chose effectivement d'évident pour lui, qu'il relie directement à la poésie. Si bien qu'on se demande, c'est dans quel sens est-ce qu'il faut comprendre ce lien entre les deux sur lequel vous insistez. Est-ce que c'est la poésie qui nous révèle l'évident bonheur de respirer? Et donc qui serait seconde, ou eh bien est-ce que c'est dans la poésie que se situe le cœur même de l'énergie dont vous parliez? Est-ce que l'art est premier ou l'art est second, pour le dire maladroitement? Oui, c'est une vraie question. C'est une question que je me pose plus je lis Bachelard, plus je me pose cette question de savoir si l'art n'est pas un prétexte pour justement capter ce sens de la vie, ce sens vrai de la vie qui est là pour recharger le corps en énergie. Alors, on se demande si Bachelard prend pour prétexte la poésie, l'art, la sculpture, la peinture, pour retrouver ce sens vrai de la vie. Je pense de plus en plus que c'est vraiment quelque chose qui prime sur la notion même d'art. Parce qu'en même temps, il y accorde énormément d'importance. Le poète est justement à la fois l'artisan par excellence, mais le respirateur par excellence, si j'ose dire. Oui. Le peintre également. Oui. Enfin, pour lui, ce qu'il appelle le dormeur éveillé, qui lui est si cher, c'est le poète par excellence. Donc ça ne peut pas juste être au second plan. Non, là, il parle de la notion de rêverie, qui est très importante aussi, bien sûr, mais au second plan. C'est-à-dire peut-être que l'un n'empêche pas l'autre, au fond, et que là, c'est peut-être la fonction de l'art, peut-être, de nous redonner ce sens vrai de la vie, qui se trouve tout simplement dans l'énergie, dans la respiration aussi. Alors, ce terme d'énergie, il est intriguant. Les lecteurs de Bergson, par exemple, l'auront souvent vu dans l'énergie spirituelle. Et le terme d'énergie revient souvent sous la plume de Bergson. Comment est-ce que Bachelard investit, lui, ce terme d'énergie? Dans quelle mesure est-il l'héritier de la pensée de Bergson? Alors, l'énergie, il la pense vraiment dans le Tréamont à partir du cri. Il dit qu'il existe un cogito sonore et énergétique. Je trie, donc je suis une énergie, dit-il. Et il dit le cri est dans la gorge avant d'être dans l'oreille. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Quand il dit, par exemple, le cri est dans la gorge avant d'être dans l'oreille, il parle déjà à l'avance de ce fameux geste vocal qu'il essaye de décrire dans l'air et les songes avec les mots vie et âme, c'est-à-dire le fait de former avant que le mot ne soit prononcé, former dans la gorge vraiment le phonème et donc faire un geste. C'est une question très importante puisque aussi cette respiration, cette énergie, elle est liée chez Bachelard à un geste précis qui devient une sorte de dimension anthropologique, qui est le fait de monter ou descendre. Monter et descendre, c'est l'expression de la vie, nous dit Bachelard. Il le prend à partir du mot viam, il réfléchit à partir de viam. Mais c'est vraiment l'expression de la vie, et on monte et on descend dans les mots, dans les images, dans les mots. Alors ça, c'est très connu, il en parle déjà dans la poétique de l'espace, on monte et on descend dans les mots, c'est la fonction du poète, dit-il. Il dit le philosophe est condamné à rester au rez-de-chaussée d'ailleurs. On monte et on descend, et c'est une thérapie. C'est là où je voulais en venir aussi, que l'air n'est pas seulement une nécessité vitale, c'est une thérapie. Et il consacre un chapitre dans L'air et les songes, mais il reviendra dans les autres livres, sur Robert de Zoile et sa psychologie ascensionnelle. Oui. Et, ce mot est vraiment, il y est très attaché. Il dit d'ailleurs à plusieurs reprises que l'air et les songes est un essai de psychologie ascensionnelle ou de psychologie respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'explique. Eh ben, il le pense justement à partir de cet exercice que fait De Zoile, très important pour lui, qui est de faire vivre des gestes d'ascension à des personnes qui sont plutôt en état de dépression ou inerte intérieurement, et il prétend que en imaginant, en vivant les mouvements donc d'élévation, d'ascension, ces personnes vont retrouver un certain bien-être. Mais donc il faut leur apprendre à monter et descendre dans les images. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un exercice très important. Et pourquoi il le fait, c'est tout simplement pour transformer la pesante réalité en quelque chose de léger. Et là, on retrouve vraiment, on retrouve Nietzsche, on retrouve oui. Aussi avec De Zoile, c'est-à-dire qui est pour lui un philosophe de l'action et non pas de la matière. Un Nietzsche qui dit voilà que notre être de terrestre doit devenir aérien. On pense à Zarathoustra, tout ce que dit Nietzsche dans Zarathoustra, jette dans l'abîme ce que tu as de lourd. Hein, tout ça a pour but de devenir léger, d'acquérir une certaine légèreté à partir de la pesante réalité. Donc monter ou descendre, prendre l'air, c'est quelque chose qui peut transformer une personne. Mais pourquoi la réalité est-elle pesante ? Pourquoi pour Bachelard, qui accorde tellement d'attention à la matière et qui a tellement de plaisir à la décrire, à l'analyser, à réfléchir avec les modalités de la matière, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit végétale, qu'elle soit aérienne, pourquoi cette réalité-là, donc cette matière-là, serait-elle pesante ? Oui. Alors, il existe un Bachelard qui est très différent de ce Bachelard-là, je pense. Ouais. Notamment, même dans l'air, il y a un chapitre sur la chute. Alors, la chute pensée de différentes manières, d'ailleurs il explique qu'il y a différentes sortes de chutes, mais Bachelard aussi, il y a un aspect négatif aussi à l'air qui est la chute. Et il en reparle d'ailleurs, il en parle dans un livre qui est le prochain livre, qui est le livre sur la Terre, du vertige, d'une expérience de chute imaginaire. Il était monté au clocher de la cathédrale de Strasbourg et il explique que c'est un vrai malheur qui lui est resté dans la vie, une expérience qu'il a faite et qui l'a marqué vraiment parce que ça lui a donné vraiment un sens de la chute véritable. Voilà. Donc la réalité n'est pas que aérienne, n'est pas que disons belle, enfin bon, on voit souvent Bachelard sous cet angle-là, mais il existe aussi un Bachelard sombre. Ah oui. Un Bachelard qui vraiment prend aussi la mesure de la pesante réalité et qui essaye à travers l'imagination justement de faire ce travail dynamique vraiment pour redynamiser l'être, le revitaliser. On le trouve notamment dans ses travaux. Pardon. Oui, on le trouve notamment dans ses travaux sur l'eau, justement, ses pages sur l'eau stagnante, l'eau qui ne bouge pas et qui abrite une profondeur très sombre et très angoissante. On se dit que dans l'air, justement, dans ses réflexions sur l'air, eh ben, l'avantage de l'air, c'est qu'il n'y a pas cette pesanteur-là. Il n'y a pas cette matière qui peut venir lester d'un poids insurmontable nos corps et nos existences. Est-ce que c'est aussi un des intérêts de cette réflexion sur l'air? C'est que l'air est par définition toujours en mouvement et toujours léger? Oui, alors là, c'est vrai qu'en effet, il y a quand même dans l'air et les songes vraiment cette idée-là que vraiment le léger, le diaphane et le sonore sont réunis et que l'air peut vraiment nous aider voilà, à surmonter cette pesante réalité. Oui, je crois. Oui, vous avez employé le terme de... Oui, allez-y. Et aussi nous aide à habiter aussi mieux notre milieu. Parce que ce n'est pas seulement une nécessité vitale, l'air, mais c'est aussi... On prend conscience de cette expérience fondamentale qu'être vivant, c'est finalement nouer une relation avec le monde. Mmh. C'est une manière d'habiter le monde dans un milieu ambiant dont on fait partie et d'une manière à la fois charnelle, sensorielle et je dirais, déterritorialisée, si je peux dire. On habite l'air. Et ça, c'est le travail des artistes. Les danseurs, les musiciens habitent, font leur demeure dans l'air. C'est-à-dire habiter, c'est-à-dire le mot habiter impliquant une réciprocité des échanges entre le corps et le milieu. C'est vraiment ça le but du danseur et du musicien qui sont finalement, et ça se voit surtout chez le danseur, le résultat de ces forces ambiantes, de ces échanges avec le milieu. Et par exemple, alors je vous donne un exemple tout simplement. J'aime beaucoup cette définition du compositeur japonais Toru Koimitsu qui dit que écouter ou faire de la musique, mais surtout écouter, c'est se changer soi-même en son. Or, il précise en existant en lui. Or, qu'est-ce qu'un son ? Ce n'est qu'un mouvement vibratoire dans l'air. Ce que d'ailleurs Bachelard sent bien, il dit la musique est une matière vibrante et c'est la partie vibrante de notre être qui peut connaître la musique. Donc le musicien fait sa demeure dans l'air qui est une sorte d'espace-temps, mais le danseur aussi, il danse avec l'air et sa danse consiste à devenir air, tout comme le musicien a pour but de devenir son. Et de cette rencontre et produit la musique ou la danse. Les mélodies que l'on entend sont douces, mais celles que l'on n'entend pas sont plus douces encore. Aussi tendre pipeau, jouez toujours, non pas à l'oreille sensuelle, mais plus séduisant encore, modulé pour l'esprit des chants silencieux. Il est des musiciens qui composent sur la page blanche, dans l'immobilité et le silence. Les yeux grands ouverts, créant par un regard tendu dans le vide une sorte de silence visuel, un regard silencieux qui efface le monde. Pour faire taire ces bruits, ils écrivent la musique. Leurs lèvres ne remuent pas, le rythme du sang même attarit son tambour. La vie attend, l'harmonie va venir. Ils entendent alors ce qu'ils créent dans l'acte qui crée. Ils n'appartiennent plus à un monde d'écho ou de résonance. Ils entendent les points noirs, les croches, les blanches, tomber, frémir, glisser, rebondir sur la portée. Pour eux, la portée est une lyre abstraite déjà sonore. Ils jouissent là, sur la page blanche, de la polyphonie consciente. Dans l'audition réelle, des voix peuvent se perdre, s'assourdir, s'étouffer. La fusion peut se mal faire. Mais le créateur de musique écrite a 10 oreilles et une main. Une main pour unir, fermée sur le stylo, l'univers de l'harmonie, 10 oreilles, 10 attentions, 10 chronométries pour écouter, pour tendre, pour régler l'afflux des symphonies. Marie-Pierre Lassus, lorsque le pianiste Keith Jarrett crie et chantonne et chante en même temps qu'il compose et qu'il improvise, hein, c'était ici en 2005 au Carnegie Hall, un des concerts qu'il a donné, est-ce qu'il exprime par là ce que Bachelard appelle la musique intérieure au fond qui dicte et qui guide la musique que nous sommes en train de jouer ? Oui, tout à fait. C'était la même chose aussi pour Glenn Gould, qu'on entendait chanter quand il joue. C'est exactement c'est des personnes qui miment intérieurement et qui le vivent. Là, on les entend vivre, si je puis dire, leur musique, les gestes, les mouvements. Et c'est une danse intérieure. La musique, les musiciens, en fait, quand ils lisent des partitions, quand ils jouent, dansent intérieurement. Mais c'est... Parce que ouais. la musique est un art du mouvement. Cette musique intérieure, dans quel sens est-elle distincte de la musique extérieure? En fait, la question qui se pose, c'est de savoir s'il n'y a pas une musique qui ne serait audible que par le musicien lui-même et qui serait peut-être inaudible par les autres, par les auditeurs, par les spectateurs, parce que ceux-ci ne seraient contraints à n'entendre qu'une partie de la musique qui se crée intérieurement. Ah, pas du tout. Ça n'est pas du tout une chose qui est réservée aux musiciens. Alors là, c'est Kandinsky qui dit, je me réfère à un autre artiste qui dit que nous possédons tous une musique intérieure, mm-hmm. un orchestre invisible que nous avons tous en nous et que nous n'avons qu'à mettre en pratique. C'est une sorte, pas d'éducation, mais nous avons à nous entraîner à le faire. Nous avons à nous entraîner à le faire, mais nous le possédons tous. Et ça n'est pas réservé du tout aux musiciens. Pas du tout. Les musiciens, là, c'est parce qu'ils parlent des musiciens qui lisent des partitions, Bachelard. Mais n'importe qui peut ressentir en soi des mouvements, n'importe qui ne sait pas lire la musique. Oui, mais ne pensez-vous pas qu'il y a, au moment de la création et de la composition, prenons Keith Jarrett, puisqu'on en a entendu un extrait, oui. qu'il y a une sorte de musique idéale qu'il tient en lui, qu'il contient en lui, et dont l'interprétation au piano ne serait qu'une version forcément dégradée, qu'il y a un décalage entre la musique qu'il y a dans sa tête et la musique qu'il joue. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une coïncidence absolue ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a toujours un décalage. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on imagine une musique, mais quand on la fait en réalité, elle n'est pas exactement comme on l'imagine. Ça, c'est vrai. Quand on joue, on interprète, c'est la même chose. Et on tend vers cet idéal. Un musicien, il tend vers cet idéal qu'il essaye d'atteindre. Ça, c'est vrai. Et on joue sur cet écart. Tout à fait vrai. Ça. Et alors, dans quelle mesure, si la musique est une vibration de l'air, dans quelle mesure écouter de la musique est aussi un moyen de prendre l'air, au fond ? Mais oui, parce que, alors, simplement écouter, même si on ne produit pas de son, écouter est très important, parce que on active aussi, alors, ce que les neuroscientifiques appellent le cortex auditif. On l'active autant quand on écoute que quand on joue. On stimule le cortex moteur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment participer. Alors, il y a une expression que j'aime beaucoup de Nietzsche qui dit « on entend avec les muscles ». Oui. Et c'est exactement ça. C'est la musique nous fait, et c'est pour ça qu'elle est l'objet de recherche aussi chez les neuroscientifiques, c'est qu'elle nous met en activité. Elle met tout notre être en mouvement. Et donc, on peut exploiter ça. Ça a été observé maintenant. Ça a été quand toutes ces intuitions, finalement, ont été vraiment prouvées. Donc, c'est devenu une recherche, ça. Mais c'est tout à fait vrai. On peut tout à fait le faire. Et être spécialiste. Et ça veut dire qu'il y a des images qui seraient non pas visuelles, mais qui seraient auditives ou sonores, au fond. Oui. Mais oui, tout à fait, il existe des images sonores. Mais oui, il y a des compositeurs, d'ailleurs, qui composent à partir d'images sonores. Absolument. Mais alors, ça, c'est aussi une autre question qui est abordée dans le livre de Bachelard, qui est la relation entre la vue et l'écoute, finalement, au fond. Parce que il pose cette question, il la pose à un endroit, il l'a dit textuellement, est-ce la vue qui donne les images ? Est-ce la vue qui donne les images ? Et dans sa conclusion de l'air et les songes, qui est en deux parties, il tend à expliquer que non, ce n'est pas la vue qui donne les images, mais justement les mouvements. C'est le mouvement qui crée la vision, dit-il. Et qu'il faut donc développer, dit-il, une imagination sans image qui trouve sa jouissance en effaçant les images. C'est-à-dire ce que fait le musicien aussi. Pour le musicien, c'est son travail. Le mouvement crée la vision et quelquefois un musicien aussi cède d'image. Même si pour lui tout est mouvement, et c'est un monde de mouvement, il peut penser à une image et reproduire dynamiquement cette image. Alors là, c'est tout l'art dans mon livre, donc Bachelor musicien. J'avais reproduit sur la couverture des morceaux de partition de sitar chine, ouais, qui montrent la relation entre le geste, parce que pour apprendre la sitar chine, on n'apprend pas les doigtés, on n'apprend pas de la même manière qu'un autre instrument de musique. On note le geste à faire qui est puisé dans la nature, dans par exemple les vols des oiseaux, le mouvement de la carpe qui saute dans l'eau, tous ces gestes qui font partie d'un imaginaire naturel, d'un imaginaire commun à l'époque, fait produire le son au musicien. C'est-à-dire que le musicien, avant de jouer, doit s'imaginer véritablement ce vol de l'oiseau, ce mouvement de la carpe, pour pouvoir le faire ensuite sur son instrument. Mais sans parler de ces partitions de sitar chine, le musicien peut s'inspirer aussi de mouvements pour mieux produire le son qu'il veut donner, auquel il tend. Avec la musique, on n'a plus rien à dire. Si vous nous faites du Chopin, qu'est-ce que vous faites? Un nocturne de Chopin. Alors là, c'est une noire. Hein? Ça, c'est une question. Oui, mais je vous donne ça comme exemple. Il y aura une musique savante, il y aura une musique de divertissement, il y aura une musique, vraiment architectonique. Vous aurez la musique de Wagner, vous aurez des opéras. Et puis, alors, vous aurez même des mélodies. On mettra, des chansons. On nous donnera du Béranger. Il faut nous donner du Béranger. Et évidemment, mais si. La politique de Béranger, mes chers amis, messieurs. Il y a une conférence à faire, et c'est un musicien qui doit la faire, sur rêverie et musique. Chemin de la philosophie, France Culture, Adèle Vendrette. Lorsque Bachelard, lors d'une conférence qui s'est tenue le 1er janvier 1949, appelle de ses voeux une conférence qui serait sur le thème de la musique et de la rêverie, il cite plusieurs noms, il parle de Chopin, il parle de Béranger, il parle de Wagner, et nous sommes en train d'écouter Debussy, Marie-Pierre Lassus. Est-ce que cette musique, cette cloche à travers les feuilles, n'est pas exactement ce que veut signifier Bachelard, justement, quand il associe à ce point la musique et la rêverie? Ah oui, ces cloches à travers les feuilles de Debussy, qui sont vraiment une merveille aussi, qui superposent différents plans sonores, qui font vraiment rêver, et une partition d'ailleurs qui est assez remarquable parce que on voit, quand on regarde la partition, que à la dernière mesure il y a un geste impossible à faire au piano. Ah oui. C'est-à-dire un mouvement de crescendo et de décrescendo sur un son, et au piano, on sait bien qu'on ne peut pas le faire, mais il demande au fait en Debussy à l'interprète de l'imaginer. De l'imaginer, et vraiment, ça c'est vraiment, j'allais dire, presque du Bachelard, parce que Bachelard vraiment accorde beaucoup d'importance justement à cette façon d'imaginer les choses avant de les produire, ou de ces instants qui précèdent vraiment la musique, par exemple, et de ces silences surtout. Il y a chez Bachelard vraiment un travail à faire. Il faudrait faire un travail aussi sur les silences, parce que c'est quand même à partir des silences que se produit la musique aussi. Et ça, c'est un thème très important chez Bachelard. C'est cette dernière mesure dont vous parliez, Marie-Pierre Lassus, celle que le musicien doit imaginer. Oui, voilà, tout à fait. Donc il faut que c'est tout un travail d'imagination, vraiment. Et on entend très très bien, voilà, dans cette musique, tous les plans sonores. Debussy disait d'ailleurs que Debussy, qui a défendu la notion de musique en plein air, disait qu'il y avait beaucoup à penser sur la musique en tant qu'art de l'espace. Mmh. Et je trouve qu'il y a beaucoup de rapports aussi avec ce que dit Bachelard quand il dit, en citant Schelley, pas d'espace sans musique. Parce que la musique se répand, se diffuse dans l'espace. Et que les deux sont complètement liés. Et qu'il faudrait penser une musique spatiale, je veux dire. Ce qu'ont fait évidemment les compositeurs du 20e siècle. Attention, on ne vous entend plus, Marie-Pierre Lassus. On entend votre micro qui frotte. Oui, attendez. Est-ce que vous êtes avec nous? Un petit problème technique. Ah. Pardon, je reviens là. C'est l'effet Debussy. Voilà. Voilà, c'est l'effet Debussy. Oui, je disais que Debussy avait vraiment réfléchi à cette notion, enfin, disait qu'il fallait absolument penser cette notion entre la musique et l'espace. On prend la musique comme un art du temps, mais la musique est un art aussi de l'espace. Ce que fera entre autres Zenakis, enfin entre autres, mais il y a beaucoup de compositeurs qui se sont saisis de cette idée. Et là, c'est un peu ce qu'il essaye de faire aussi dans ses musiques pour piano, où il faut vraiment, la partition est assez complète, il y a trois portées, voilà, il faut vraiment faire résonner beaucoup de sons de manière lointaine, plus lointaine que d'autres, plus proche, enfin tout ce travail du proche et du lointain, oui, qu'il fait à travers sa musique. Voilà. Vous êtes musicologue, Marie-Pierre Lassus, est-ce que vous considérez Bachelard comme un musicien? Ah oui. Parce qu'il n'a pas composé. Autre chose que ses livres, en tout cas. Il n'a pas composé. Non, il n'a pas composé. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu défendre dans mon livre, c'est qu'on pense qu'il n'est pas musicien, je pense qu'il est... Parce que ce qu'il explique... à la fois sur le rythme, ça, la notion du rythme qu'il a parfaitement comprise par rapport à la mesure, bon, entre autres, ce qu'il dit sur le chef d'orchestre, ce qu'il dit sur le geste vocal. Ce qu'il dit sur le geste vocal est réellement très surprenant pour quelqu'un qui ne serait pas musicien. Comprendre ce que c'est que la notion de geste vocal que manient très bien les compositeurs d'opéra, les compositeurs en particulier d'opéra, parce qu'ils travaillent aussi à partir des textes, c'est vraiment ce qu'il explique dans le chapitre « La déclamation muette » est extrêmement étonnant pour quelqu'un qui ne serait pas musicien. Moi, je le prends vraiment pour un musicien. Et sa manière d'entendre et d'écrire, surtout, il dit d'ailleurs « écrire, c'est entendre ». Mais sa manière d'écrire le montre. Et je parlais de la musique, mais il dit le poème est un monde de mouvement. Concevoir ça, c'est vraiment avoir un sens musical, en tout cas. Je suis sûre qu'il a un sens musical. Bah, on peut être musicien sans composer de musique, sans doute. Exact, exactement, je pense. Mais encore faut-il pouvoir entendre, parce qu'un musicien, ce qui fait un musicien, quand même, qu'il soit ou non spécialiste, c'est le fait d'entendre. C'est une bonne question, ça, ce qui fait un musicien. Peut-être que beaucoup d'écrivains sont musiciens, justement. Mais oui, parce que entendre, et alors vraiment c'est le travail des poètes, je considère, et Bachelard considère aussi la poésie comme de la musique. C'est un art musical, avant tout. Hein, on dit, et ça il l'a pris aussi de chez Baudelaire, hein, Baudelaire est un très grand poète, un très grand musicien, vraiment. Et c'était un baudelairien aussi, Bachelard, il le dit. D'ailleurs, il cite souvent Baudelaire et les correspondances, mais c'est un lecteur de Baudelaire qui est un musicien hors pair aussi. Alors, c'est plus difficile de comprendre. Vous avez parlé de l'importance du poète et de la poésie pour Bachelard. On a beaucoup parlé de la musique. Il évoque également la danse. Oui. Autant de types d'art qui sont tout à fait inséré dans un mouvement et qui suscite une sorte d'énergie qui passe par le mouvement du corps ou de la respiration, c'est plus difficile à comprendre pour la peinture. Qu'est-ce qu'un peintre pour Bachelard, finalement? Oui, Oui, oui. Alors là, merci de poser cette question, parce que justement, pour la peinture, je prendrais peut-être l'exemple de l'art pictural chinois, qui est une manière d'envisager le monde en termes de flux et d'énergie, justement. Et il me semble que Bachelard, je le trouve très proche de cette vision des choses. Et dans l'art pictural chinois, il s'agit de peindre le vent. Mmh. Qu'est-ce que c'est que peindre le vent et non pas peindre des formes, c'est-à-dire peindre tout ce qui vit, c'est-à-dire faire que les choses aient de l'expression. Que les choses aient de l'expression, ça veut dire peindre ce qui vit et le sentir. Voilà. Donc, bon, je vais pas m'attarder sur l'art pictural chinois, mais enfin, c'est cette idée que de peindre le vent. Alors, je pourrais citer d'autres peintres, d'ailleurs. Van Gogh qui dit « Il s'agit de souffler de son souffle tant qu'on a le souffle. » Ou qui dit tout simplement « Pour faire quelque chose, pour écrire un livre ou pour peindre un tableau, il faut être soi-même bien vivant. Mm-hmm. » Vous voyez ? Donc ça veut dire, pour peindre aussi, il faut peindre en fait l'animation des choses, ce qui anime les choses, qui ne sont jamais des objets. Voilà, parce que on pourrait résumer les choses en disant que tout ça n'est possible que si l'on pense que tous les êtres qui nous entourent ne sont pas des objets inertes, mais des choses avec lesquelles on dialogue. « Oh, mes objets, comme nous avons parlé », dit Bachelard. Tout est animé d'une vie, et c'est aux artistes de le montrer, de le prouver, quel qu'il soit, poète, peintre, musicien, danseur. Oui, je vous posais la question. Et de travailler avec ça. Je vous posais tout à l'heure la question de son lien à Bergson. Est-ce que vous diriez que Bachelard est un vitaliste ? Eh bien, à de certains égards, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui. Alors, peut-être vitaliste est vraiment, ce serait mettre dans une catégorie, mais je pense il se rapproche aussi de Bergson, hein, dont évidemment il est très éloigné avec sa philosophie du temps, mais il y a des pages de Bergson qui sont proches de Bachelard, je suis d'accord. Ben oui, dans son importance accordée justement à l'expression artistique comme étant ce qui nous permet ressaisir ce de quoi la vie elle-même est faite et l'importance accordée à l'énergie. C'est difficile au fond chez Bachelard d'arriver à nommer ce qu'est son ontologie en fait, ce qu'est ontologie, ce à quoi se ramène sa philosophie. Est-ce qu'il y a un élément premier ? Est-ce que c'est l'énergie ? Est-ce que c'est la vie ? Ou est-ce que chez lui tout bouge en permanence à l'image de ses textes ? Ah, mais je pense que c'est vraiment l'énergie et c'est la vie d'ailleurs. Et c'est une philosophie de l'acte, une philosophie du mouvement, hein, contrairement à aux philosophes occidentaux qui sont plutôt dans la tradition des philosophes de la contemplation. Là, c'est vraiment un philosophe de l'action, du mouvement, et donc d'où la place privilégiée de l'activité artistique, justement. Qui incarne à la fois cette activité et cette philosophie de l'instant. Et est-ce qu'en insistant sur l'importance non seulement de l'air, mais aussi de la respiration, comme vous l'avez fait, on a commencé avec la respiration, on peut terminer avec la respiration, ces exercices de respiration entre le mot vie et le mot âme, c'est comme le home pendant les pratiques de yoga, est-ce que vous n'avez pas peur que Bachelard du coup ne se présente que comme quelqu'un qui serait plutôt du côté du développement personnel et qui pense que la philosophie peut aider à mieux vivre, à nous guérir, c'est un danger aussi, non ? Ou peut-être pas ? Oui, alors de lier au développement personnel, non, j'oserais jamais. Mais moi, je pense réellement que Bachelard nous aide à mieux vivre. Je le pense réellement. Hein, et lire une page de Bachelard nous dynamise aussi. Hein, vraiment, c'est une expérience à faire que je conseille, en tout cas, parce que ça a un effet, ça produit un effet, parce qu'il y a dans l'écriture de Bachelard, justement, tout cet art du dynamisme que l'on peut percevoir dans tous ses livres, en tout cas les livres de poétique. Alors vous deviez donner un texte à lire, conseiller un texte à lire à nos auditeurs, ce serait lequel de Bachelard ? Ou une page. Un texte, c'est-à-dire un extrait, un livre, un extrait. C'est difficile, hein. C'est très difficile de me demander ça, parce que vraiment, il y a ce très beau passage dans L'air et les songes où il parle. Alors, il faudrait que je le retrouve. Je sais que c'est dans. Non, mais citez-nous juste ce qui est dit. Hein. On mettra les références en ligne de toute façon. Il dit qu'il entend. C'est un temps où il entend mûrir les mirabelles et où un son bleu s'envolait. Bon. C'est un passage du début de L'air et les songes, qui est magnifique, nous emmène très loin. On ira le lire, on ira écouter mûrir les mirabelles, même en plein automne. Je vous remercie infiniment, Marie-Pierre Lassus, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Je renvoie. C'était un plaisir. Plaisir partagé. À votre livre, Gaston Bachelard, musicien, une philosophie des silences et des timbres, aux presses universitaires du Septentrion. Et puis il y a aussi votre livre qui s'appelle La musique, art de l'aurore, à l'écoute des villes d'ombre du théâtre de Sens, qu'on trouve aux éditions L'Harmattan. Et on se quitte comme chaque jour, eh bien, avec un grand bol d'air musical. Il y a beaucoup de chansons qui parlent du vent, qui chantent le vent. On en a choisi une, qui nous emmène au vent. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Et oui, il se ramène devant tous les jours, mais il n'est pas beaucoup là en ce moment. C'est Aurélien Bélanger pour sa chronique et sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Je suis bien là, bonjour Adèle. Mais j'espère, je comptais sur vous et je suis ravie de vous entendre. Votre question aujourd'hui, l'antiracisme est-il devenu fou? Alors c'est bizarrement l'un des principaux griefs de la droite envers la gauche. Pire, de la gauche dite universaliste envers la gauche dite islamo-gauchiste. À cet égard, la principale vertu de l'antiracisme serait son hygiénisme. Il a enfin permis à la gauche de se séparer de ses éléments problématiques et d'y voir un peu clair après un demi-siècle de tourments indécidables sur la question du libéralisme. D'y voir un peu plus clair, mais de savoir dans quelle direction, c'est plus compliqué. Le schisme est irréfutable, mais qui gardera son poing serré sur la rose? Car ce ne sont pas toujours les orthodoxes qui restent à Rome, à Solferino ou à Ivry. Une chose est certaine, le mouvement Black Lives Matter du printemps aura été l'un des grands événements de l'histoire de la gauche. Il faut d'ailleurs que je vous raconte comment j'ai été recruté au printemps justement par ce mouvement Black Lives Matter. Tiens donc, racontez-nous ça. Alors j'ai intégré la cause pour des raisons illichiennes. Ce n'est pas la dénonciation de la violence de la police qui m'a fait basculer, c'est plutôt celle de son inefficacité. Le monopole radical de la violence avait clairement échoué. Je veux dire que ça fait des années maintenant qu'on s'est habitué dans nos rues à une très forte présence policière, comme à un discours politique prônant sans cesse son renforcement, et que le constat est sans appel, cela a largement échoué. Cela a largement échoué dans la mesure où on continue à demander toujours plus de police en refusant de voir que la présence permanente d'éléments armés dans nos rues est en soi un échec qu'aucun fourgon de police supplémentaire ne pourra jamais cacher. L'existence de la police n'est pas une énigme moins grande que celle du mal, à ceci près qu'on demande rarement plus de mal pour que le mal enfin ça s'arrête. À moins évidemment de souscrire à la doctrine fasciste. J'ai ainsi intégré spirituellement le mouvement Black Lives Matter quand j'ai compris ce que la réponse dite sécuritaire avait de dangereusement débile. Et 2020 restera pour moi l'une des années les plus heureuses de l'histoire de l'humanité, l'année où, pour la première fois, on a envisagé de définancer la police. L'antiracisme était bien, sous nos yeux, en train de réussir là où toutes les utopies anti-industrielles précédentes avaient échoué. Donc pour vous, si je vous comprends bien Aurélien, la réponse est claire, l'antiracisme n'est pas devenu fou. Bah, sauf qu'à lui prêter des vertus aussi grandes, on risquerait de l'instrumentaliser. Si l'antiracisme est la clé pour devenir meilleur, comme pensent les woke, ces évangélistes de la cause transformée en véritable messianisme, si l'antiracisme est, mieux que la ZAD, mieux que le bio, le véritable levier pour une décroissance illichienne, on risquerait de le fétichiser et par conséquent d'essentialiser, voire d'éterniser les victimes du racisme. La question a justement été posée par Mark Twain, l'un des pionniers de la conscience antiraciste américaine. Huckleberry Finn et Jim, le blanc et l'esclave en fuite, accidentellement partis sur le même radeau, sont devenus d'authentiques amis. Mais Huckleberry souffre pourtant de l'apparition de sa conscience antiraciste nouvelle. Ça prend plus de place que tout le reste, dit-il, à l'intérieur, et pourtant ça sert à rien, mais à rien. Pas à rien, lui répond avec ambiguïté son ami Tom Sawyer, dans un passage qui résume toutes les ambiguïtés de l'antiracisme quand il passe d'une lutte au présent à une religion éternelle. Tom vient enfin de libérer Jim de sa prison. Il était de très bonne humeur, il a dit que c'était ce qu'il faisait le plus amusant de toute sa vie et le plus intellectuel. Et il a dit que si seulement il avait le choix, on pourrait continuer pour le restant de nos vies et laisser Jim à nos enfants pour qu'ils l'aident à s'enfuir. Comme les enfants d'esclaves naissaient nécessairement esclaves, les enfants de l'antiracisme seront-ils éternellement obligés de se rêver en libérateurs ? Merci Aurélien et merci pour le terme d'intellectuel qu'on trouve donc chez Tom Sawyer. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, bien confinée chez elle et qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni, Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valensic qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. À la lecture des textes, Vincent Schmitt et vous avez aussi entendu la voix de Georges Kless. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série confinée avec Gaston Bachelard. Demain, on sera en compagnie de Vincent Bontemps et on se demandera comment s'enivrer au coin du feu. Et oui, c'est tout un programme qui fait plutôt envie et auquel Bachelard nous convie. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter toutes les émissions en direct et en téléchargement d'une pierre de coup. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, continuez à prendre l'air sur France Culture.